Le voyage des trois mouches de Maxime Ducamp. Je lisais récemment dans la Gazette des Tribunaux la liste des marchands condamnés pour sophistication de denrées. Cela m'a remis en souvenir une historiette que j'ai entendue conter pendant un déjeuner de chasse sous les épicéas de la Forêt Noire et que voici. Chapitre 1er, le départ. Une mouche avait trois enfants. Elle n'était point veuve, mais son mari s'était envolé vers le pays des aventures et n'était pas revenu. Elle supportait son abandon avec dignité et ne s'était point ménagée pour donner une éducation sérieuse à Muscarello, qui était son fils, à Muscabelle et à Muscadine, qui étaient ses filles. Lorsque ses enfants eurent appris d'elle tout ce qu'elle avait pu leur enseigner, elle les appela, et les ayant contemplés avec une émotion qu'elle ne contenait qu'avec peine, elle leur dit « L'heure est venue de compléter votre instruction. Les voyages sont indispensables à la jeunesse. Ils développent son intelligence en lui montrant la diversité des choses. Ils forment son cœur en lui faisant connaître les misères dont la race des mouches est accablée ici-bas. Partez donc, mes enfants, allez acquérir de l'expérience. Avant de vous quitter et d'abaisser sur vos fronts inclinés mes pattes pleines de bénédictions, écoutez la voix d'une mère qui vous chérit tendrement, qui n'a reculé devant aucun sacrifice pour vous rendre parfait, et qui voudrait vous prémunir contre le plus grand des périls dont vous êtes menacé. L'univers entier est aux mouches. C'est à elle qu'il appartient, c'est pour elle qu'il a été créé. Partout, elle trouve une nourriture abondante que la nature s'est empressée de produire pour elle. Les fruits, les céréales, les animaux sont à vous. N'hésitez pas à vous repaître de ces biens que le Créateur nous a prodigués. Mais sous peine de danger mortel, gardez-vous de toucher aux choses provenant de l'homme, qui est un animal féroce, sans probité, ni pitié, ni vertu. Il est, dit-il, le roi de la création, et le prouve en la détruisant. Ce qui passe par ses mains en sort contaminé. En lui, tout est mensonge, ses paroles, ses actions, ses œuvres. Il nous hait. Dès que ses enfants sont en âge d'apprendre une vieille langue que l'on nomme le latin, on leur met aux mains un volume où l'on peut lire un commandement inique et détestable, Puer obligé muscas. Oh, mes enfants, fuyez l'homme, éloignez-vous de ses méfaits, jurez-le, jurez à votre mère que vous respecterez sa volonté. » Les trois mouches, retenant leurs sanglots, levèrent les pattes et d'une voix vibrante s'écrièrent « Nous le jurons !»« Adieu, mes enfants, » reprit la mère, « je n'attendais pas moins de vous. Muscarello, je te confie tes sœurs. Tu es né quelques secondes avant elles, tu es leur aîné. Tu dois être leur protecteur. Souvent j'ai admiré la vigueur de tes ailes, la dextérité de tes pattes, la perspicacité de ton intelligence. Ces hautes facultés, emploie-les à veiller sur mes filles, à les défendre, à écarter d'elles les occasions de faillir, si fréquentes, hélas, pour des mouches inexpérimentées. Reçois-les comme un dépôt sacré dont je te demanderai compte. Dors-moi encore cette nuit les unes près des autres. Demain, lorsque le soleil aura dissipé les brumes matinales, vous vous mettrez en route. Pendant vos pérégrinations, vous n'oublierez pas votre pauvre mère qui ne cessera de penser à vous. » Le lendemain, la mère bénit ses enfants, les pressa longtemps contre son cœur et les regarda s'éloigner. Au moment où les voyageurs partirent, un Auvergnat qui portait un orgue de Barbarie passa en jouant la grâce de Dieu. Chapitre 2e, le vin. Comme le monde est grand, comme il est vaste, comme il est beau! Le moucheron et les moucherelles s'extasiaient, s'exclamaient, n'avaient point assez de leurs yeux à 100 facettes pour tout voir. Elles se disaient, que d'impressions exquises, que de souvenirs pour nos vieux jours, que de récits à faire à nos petits-enfants lorsque nous en aurons. Le soir, harassées de fatigue, ivres d'admiration, elles prirent gîte sur un sycomore, dont une feuille les abritait. Muscadine, qui avait une jolie voix, chanta une berceuse que leur mère bourdonnait jadis pour les endormir. Cela leur rappela leur enfance, et pendant leur sommeil, elles rêvèrent du logis maternel comme trois bonnes petites mouches qu'elles étaient. Avant de repartir, au matin, elles prirent un bain fortifiant sur une tige de folavoine couverte de rosée. Elles se séchèrent au soleil, firent la toilette de leurs ailes et s'envolèrent vers les régions inconnues. Quelques gouttes de pluie les surprises en chemin au moment où elles passaient devant un château. Elles y pénétrèrent. Elles s'étaient réfugiées dans la salle à manger. Le couvert était mis. argenterie luxueuse, cristaux éblouissants, table de grand seigneur s'il en fut. Un domestique se versa un verre de vin, but et dit « Que les maîtres sont heureux de boire tant qu'ils veulent d'un pareil, c'est du nectar. » Il remplit de nouveau son verre, mais il le cacha derrière un dressoir, car le maître d'hôtel venait d'entrer. Muscadine, qui était curieuse, regardait le verre et disait « Quelle belle couleur! Ce doit être délectable. J'ai envie d'y goûter. » Muscarello la réprimanda d'un ton sévère. « Avez-vous oublié les recommandations maternelles? Gardez-vous de toucher à ce qui provient des hommes. » Muscadine fit la moue et répliqua « Le vin est le fait de la nature. Qui le donne dans le raisin? Rappelez-vous ce vieux bourdon qui venait souvent nous voir le dimanche vers la vesprée. Il était gai, marchait de travers, dansait des gabaudies révérencieuses et chantait volontiers des chansons égrillardes. Lorsque je lui disais « Mais, compère Bourdon, qu'avez-vous donc pour être si jovial ?» Il répondait « J'ai bu 2 grains de raisin et cela m'a mis le cœur en joie. » Le vin n'est autre que le jus du raisin. L'homme n'y peut rien changer et malgré votre mauvaise humeur, mon frère, j'y vais goûter. » Elle s'élança sur le bord du verre, trempa sa trompe dans la liqueur rouge, but longuement et reprit sa place près de sa sœur qui lui dit « Fille, que c'est laid d'être désobéissante !» Muscarello s'approchait de Muscadine, la patte levée, pour lui donner un soufflet, lorsqu'il s'arrêta pétrifié en voyant la pauvrette devenir toute pâle. Ses yeux exprimaient la souffrance, un frémissement agitait son corps et faisait trembler ses ailes. D'une voix indistincte, elle prononça le nom de sa mère, une convulsion la renversa, ses pattes se raidirent, un dernier soupir souleva sa poitrine et elle resta immobile. Muscadine était morte, car le vin était sophistiqué. Chapitre 3e, le lait. Désespérés, Muscabelle et Muscarello emportèrent le cadavre de l'imprudente Muscadine jusque dans le parc, au pied d'un tuyat solitaire. Ils creusèrent le sol, y déposèrent le corps, le couvrirent d'une feuille de hêtre pour le soustraire à la voracité des animaux féroces qui sont les moineaux et les lézards. Puis ils s'éloignèrent de ces lieux détestables où leur sœur avait pour jamais été ravie à leur tendresse. La nuit fut longue, la nuit fut dure. Réveillés par les cauchemars, oppressés par leurs sanglots, les deux petites mouches parlaient de Muscadine. Elles se figuraient le désespoir de leur mère et se disaient « Non, jamais il n'y eut de mouches plus malheureuses que nous. » Elles étaient bien lasses de cette nuit d'insomnie. Lorsqu'au soleil levant elles reprirent leur voyage, elles allaient, sans parler, presque insensibles aux beautés du paysage, l'âme en deuil et l'aile affaiblie. Pour se reposer, elles s'arrêtèrent à l'entrée d'une petite ville que précédait une ferme. Dans la cour, sous la surveillance du fermier, des hommes s'empressaient à verser dans de grandes boîtes de fer blanc le lait destiné à être porté au marché. Appétissant, écumeux, le lait apparaissait aux lèvres du vase avec une pureté si blanche qu'elle semblait immaculée. Muscabelle, qui avait grand soif, dit à son frère « Je vais boire, ce n'est pas du vin cela. L'homme pervers et meurtrier n'y a pas touché. La vache honnête qui le produit est incapable d'une mauvaise action. » Elle alla boire et revint aux côtés de son frère. Elle y était à peine qu'elle s'écria « Oh, comme j'ai froid! Ma vue se trouble! Dites à ma mère !» Elle ne put achever, elle venait de mourir, car le lait était sophistiqué. Chapitre 4e, le poison. Muscarello restait atterré et se demandait pourquoi tant d'infortunes s'abattaient sur lui. Il s'adressa à des cloportes, qui se promenaient le long d'une vieille masure, et les pria de l'aider à donner à sa sœur une sépulture décente. Malgré leur air un peu grognon, les cloportes ont bon cœur. Cachés à tous les yeux, ils ont surpris tant de secrets, ils ont été témoins de tant de douleurs, qu'ils sont compatissants aux misères d'autrui. Ils cachèrent le corps de Muscadine sous l'écorce d'un chêne. Muscarello les remercia et entra dans la ferme sans trop savoir ce qu'il faisait, car le chagrin lui laissait à peine la force de penser. Il se posa sur un bahut, dans la salle où filait la fermière. Anéanti, écrasé, il se disait « Que répondrai-je à ma mère quand elle me criera ?»« Muscarello, qu'as-tu fait de tes sœurs ?»« Mieux vaut quitter cette terre maudite. Je veux mourir. Je mourrai. » Le fermier entra, de méchante humeur. Il tenait à la main un morceau de lard aux 3/4 rongé, le jeta sur la table et dit à sa femme « Ça ne peut pas durer comme ça. Les rats mangent tout à la cave. » Va chez l'apothicaire. Demande-lui de la morora, de la bonne, de la meilleure, tu m'entends? Je veux une fois pour toutes nous délivrer de cette vermine. » La fermière sortit, le fermier pestait. Muscarelle le répétait, « Je veux mourir. » La fermière ne tarda pas à revenir. Elle étala sur la table une sorte de savon grisâtre et dit à son mari, « C'est une invention nouvelle. L'apothicaire m'a dit qu'on y avait mis de l'arsenic, de la strychnine, de l'acide prussique. Il m'a juré que c'était terrible et que si un éléphant y goûtait, il tomberait foudroyé. » Muscarello pensait, « Enfin, je vais donc pouvoir mourir. Ce qui est assez puissant pour tuer les rats et même les éléphants aura vite raison d'une frêle bestiole comme moi. » Le souvenir de sa mère ne l'arrêta pas. Il se rappela une mouche bleue, toute jeune, fraîche et charmante, avec laquelle il avait murmuré des duos sur un buisson d'aubépine. Près d'elle, il eût trouvé le bonheur, le repos du ménage et les enfants qui eussent été la consolation de sa vieillesse. Il chassa cette vision d'une félicité promise et se précipita vers l'aliment mortel. Il y enfonça sa trompe avec une vigueur que centuplait son désespoir. Il aspira les sucs vénéneux, il se gorgea de poison, puis, par un dernier effort, il alla reprendre sa place sur le bahut, à côté d'une fente où son corps devait tomber, disparaître et échapper à la rapacité des araignées du plafond. N'ayant plus aucun espoir en ce monde, il attendit la mort avec résignation. Il l'attendit avec impatience, il l'attendit avec rage, mais il ne mourut pas, car la morora était sophistiquée. Ainsi s'achève Le voyage des trois mouches de Maxime Ducamp.